Il est 17h sur Radio Duo et on retrouve tout de suite le Grémos pour son émission de rentrée. Bonjour à toutes et tous, j'espère que vous avez passé un bel été. Bienvenue pour cette nouvelle émission du Grémos du mercredi 11 septembre 2024. Cette toute première émission de la saison s'inscrit dans la quinzaine Louise Michel organisée par l'ensemble Nomade. Aujourd'hui, notre invitée est professeure émérite à l'université Claude Bernard Lyon 1. Elle est spécialiste des femmes et du genre et a consacré ses recherches à l'histoire des milieux populaires. Michel Zancarini, bonjour. Bonjour. Alors, l'émission d'aujourd'hui sera consacrée aux femmes dans les communes de province. Et lors de cette émission, Michel, tu seras accompagné de Jean-Michel Stenner. Bonjour Jean-Michel. Bonjour, bonjour Michel, bonjour Karine. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet et en guise d'introduction, j'aimerais, Michel, que tu nous dises en quelques mots un petit peu ton histoire avec Radio Duo, puisque tu as pris part à la création de cette radio, c'est bien ça? Oui, tout à fait. Enfin, personnellement, mais aussi dans un collectif qui était l'Antibroge, qui était une librairie-restaurant coopérative, donc organisée à partir de 1976 et qui fonctionnait sur un collectif d'une trentaine de personnes. Et donc c'est dans le cadre des activités culturelles de cette librairie coopérative, librairie-restaurant coopérative, que nous avons eu l'envie de créer une radio qui à l'époque était interdite puisqu'il y avait le monopole de la radio et qui était une radio qu'on appelait à l'époque Radio Libre qui après donc radio qui ont été légitimées si on peut dire après l'élection de François Mitterrand. Voilà, et donc on a participé à la recherche d'un émetteur qui nous a été offert par les camarades de Turin, et puis d'émettre des lieux pour pouvoir émettre clandestinement à l'époque. Enfin, pas très clandestinement sans doute, mais en tout cas, effectivement, clandestinement, juridiquement. Voilà. Bien. Donc, pour parler de cette émission d'aujourd'hui, excusez-moi, nous allons nous concentrer sur les communes de province, plus spécialement sur le rôle des femmes dans les communes de province. Michel, tu as consacré de nombreuses pages, notamment dans ton livre « Les luttes et les rêves », je ne trompe pas dans le titre, et tu as souhaité parler du rôle de ces femmes, notamment parce que c'est pas évident, elles sont souvent absentes, elles sont souvent invisibilisées. Et on peut prendre dès le départ le cas de la commune de Saint-Étienne. Oui, tout à fait, parce que j'ai essayé de trouver pour cette émission, entre autres, mais aussi avant, la présence des femmes dans les archives, hein, c'est les textes, etc. Et en fait, elles sont invisibilisées, comme tu le dis. Mais c'est aussi une question qu'on se pose aujourd'hui parce qu'il y a un renouveau historiographique sur deux plans. C'est-à-dire le premier plan, c'est effectivement s'intéresser aux communes au pluriel. Ça avait déjà été fait dans un petit livre de Jeanne Gaillard en 1971, commune de province, commune de Paris. Et c'est 50 ans plus tard, avec Quentin de Luermoz, qui publie commune avec, entre parenthèses, le S, que justement on s'intéresse à autre chose que la commune de Paris, qui évidemment est complètement iconique, comme on dit aujourd'hui. Et puis le deuxième point, c'est effectivement l'intérêt pour les questions d'histoire des femmes, du genre, et qu'on a commencé à chercher les femmes, où elles étaient, où on pouvait les trouver, dans les archives, etc. Pendant longtemps, les historiens officiels, y compris les très bons, type Jacques Rougerie, ont dénié la présence des femmes dans la Révolution. Jacques Rougerie, écrivant en 1964, dans son premier livre, Le procès des communards, qu'il n'y avait pas d'archives sur les femmes, donc on ne pouvait pas parler des femmes. Et donc, il se repent un petit peu en 1997. Il fait un article dans l'encyclopédie d'histoire des femmes de Christine Fauré, pardon. Et donc, il fait l'article sur les femmes dans la commune, et puis en fait dans les communes. Voilà. Et donc, c'est cette nouvelle, on peut dire, historiographie qui nous réinterroge sur la présence des femmes, sans que j'ai plus trouvé de présence des femmes dans la commune. Simplement, on peut noter, pour Saint-Étienne, qu'il y a deux points qu'il faut noter. Il y a toute une série, comme d'ailleurs à Lyon, où il y a la fameuse grève des ovalistes en 1869. Sur Saint-Étienne, il y a toute une série de grèves. Mmh. Alors, on trouve, il y a, les femmes n'y sont pas, mais comme c'est des grèves du textile, c'est sûr qu'elles y sont, puisqu'elles sont la majorité des femmes du textile. Et puis, il y a une politique municipale, en 1865, qui est une politique qui est d'ailleurs identique à Lyon, donc il y a des proximités, de laïcisation des écoles, et en particulier des écoles de filles. Et ça provoque une réflexion, justement, sur la présence des filles et des femmes dans l'espace public. Voilà ce qu'on peut dire sur comment connaître les femmes. Quoi. La question des communes de province, si on attaque tout de suite là-dessus, la question des communes de province se pose effectivement parce que, si on prend le cas de la commune de Saint-Étienne, ce sont souvent, à part Lyon et Marseille, des communes qui sont très brèves. C'est quelque chose qui t'a frappé, enfin qui frappe. Ah oui, absolument. Elles sont très brèves par rapport aux 72 jours de la commune de Paris, c'est évident, y compris celle de Lyon d'ailleurs. Lyon, c'est en trois étapes, hein, mais voilà. Mais sur Saint-Étienne aussi, mais c'est Saint-Étienne, c'est le. Parce que le préfet a été tué dans la bousculade, dans la bagarre. Et donc là, pour le coup, ça cassait complètement le mouvement qui était double, qui était à la fois mouvement qui était des républicains, qui s'appelait l'Alliance républicaine, hein, qui avait un journal qui s'appelait L'Éclaireur, et puis le Club de la Vierge, c'est parce que c'est le rue de la Vierge, pas parce que, voilà. Le Club de la Vierge, qui était plutôt disons, ceux qui étaient partisans, les ouvriers, ceux qui étaient partisans de l'Association internationale des travailleurs, etc. Ces communes, tu viens d'y faire allusion, elles sont, en fait, quand on se focalise sur la commune de Paris, on pense mars-mai, mais en fait, tu viens de le dire, je crois que c'est important de le rappeler, il y a un mouvement qui bouillonne dès le mois de septembre 1870. Même août 1870. Août 1870, il y a deux tentatives de ce qu'on a appelé après, qu'on aurait pu appeler la commune, qui a tourné court très vite, une à Lyon et une à Marseille. Et c'est intéressant de voir que c'est dans ces deux villes-là qui après on fait partie des communes dont on s'est souvenu, puisqu'il y avait une affiche qui est une trace où on voit les trois communes, la commune de Paris qui est plus grande, la commune de Lyon qui est aussi et puis la commune de Marseille qui a demi-couché avec le drapeau rouge, qui brandissent le drapeau rouge. Alors évidemment, ce sont des allégories, et comme souvent les allégories, c'est des allégories féminines, donc ça ne veut pas dire que c'est les femmes qui sont exaltées, mais c'est les communes. Et ce qui est intéressant de noter, c'est que Lyon et Marseille, en fait, ça faisait partie d'un mouvement politique sur lequel on est resté jusqu'à présent assez pauvre en historiographie, et j'espère bien que les jeunes vont peut-être s'y mettre, c'est le fédéralisme. Oui. C'est-à-dire que c'est le rapport, il y a eu ce qu'on a appelé la Ligue du Midi, qui s'est faite après la proclamation de la République en septembre 1870, et la Ligue du Midi a réuni les villes de Marseille jusqu'à Lyon, dans le très grand sud-est, et qui voulait se positionner par rapport à Paris. dans un mouvement fédéraliste, alors qui a toujours fait peur à l'universalisme français, hein. Et puis c'était au jacobinisme, les Girondins, enfin, etc., etc. Mais ce mouvement fédéraliste a été peu étudié, mais il a eu une réelle présence jusqu'à la Commune de Paris. Alors, je reviens un petit peu sur ce que tu disais concernant l'affiche que tu as décrite. Oui. Pour nos auditeurs, je précise que cette affiche est visible sur la page de l'émission sur le site du Grémos, www.grémos.fr. Donc, si vous souhaitez revoir cette affiche, elle est présente sur notre site internet. Et comme on l'a dit, je l'ai évoqué pour les grèves des ouvriers du textile avant la Commune, il y a eu aussi d'autres grèves d'histoire sociale, donc de la région stéphanoise, et qui ont marqué profondément les consciences, et en particulier la grève de 1869 à la Ricamari, dite du brûlé, oui. Et qui a effectivement été un mouvement national, puisqu'il y a une souscription nationale pour les gens qui ont été tués. Alors souvent on trouve la trace des femmes dans ces mouvements parce qu'elles sont victimes des fusillades, ce soit en 1846 à la mine du Gagne-Petit ou à, comme tu viens d'y faire allusion, à la Ricamari en 1869. Mais elles sont victimes des fusillades parce qu'elles sont aussi au premier rang pour protester contre la présence de la police, contre la présence de l'armée surtout. Et contre les hommes qui sont emprisonnés. Et voilà, contre l'emprisonnement des hommes, c'est tout à fait. Qui faisaient grève et qui sont emprisonnés. Et donc dans les traces, moi j'ai trouvé par rapport à 1846, la grève du Gagne-Petit, pour le métron j'avais un peu fouillé ça. En fait on trouve souvent le nom veuve Terrain ou veuve Intel. C'est très rare qu'on trouve le vrai nom de la personne. Et y a les enregistrements de l'état civil, donc c'est encore la commune d'Outrefuron à l'époque. Et sinon, il faut fouiller pour trouver effectivement la place réelle qu'a pu jouer, enfin, si possible, qu'ont pu jouer les femmes dans ces mouvements. Alors, si je me permets une toute petite digression sur ce fait, c'est qu'en fait, on est là aux deux tiers du siècle, du 19e siècle, et que depuis 1804 est imposé le Code civil. Et le Code civil qui fait de la femme une mineure, une dépendante de son mari. Et pour avoir étudié, moi, les tombes des cimetières de Saint-Étienne, on voit progressivement, au cours du 19e, changer sur les tombes la nomination des femmes. C'est-à-dire qu'on passe des femmes qui sont données au début du 19e avec leur prénom et leur nom patronymique, aux femmes qui deviennent épouses X, et puis après, pas tout de suite, et après, ça c'est au début du 20e, avec le prénom du mari. Donc Madame Jean Marchand, par exemple, qui est, mais qui était mariée avec Monsieur Marchand, qui était Jean. Et elle, on ne sait plus du tout qui elle est. Et ça, c'est assez intéressant du point de vue de l'histoire des femmes globales, évidemment, comme déperdition d'identité. Donc on va écouter maintenant Le Temps des Cerises, interprété par Juliette Gréco. Tout à fait. On écoute Le Temps des Cerises et on se retrouve juste après. Quand nous chanterons le temps des cerises, et guerre signal et merle moqueur seront tous en fête. Les belles auront la folie en tête et les amoureux du soleil au cœur. Quand nous chanterons le temps des cerises, sifflera bien mieux le merle moqueur. Mais il est bien court, le temps des cerises, où l'on s'en va d'eux, cueillir en rêvant, dépendant de rêves. Cerises d'amour, aux robes pareilles, tombant sous la feuille, en gouttes de sang. Mais il est bien court, le temps des cerises, où l'on s'en va d'eux, cueillir. Quand vous en serez au temps des cerises. Si vous avez peur des chagrins d'amour, évitez les belles. Moi qui ne crains pas les peines cruelles, je ne mourrai pas sans souffrir un jour. Quand vous en serez au temps des cerises, vous aurez aussi des peines d'amour. J'aimerai toujours le temps des cerises, c'est de ce temps-là que je garde au cœur une plaie ouverte. Et dame fortune, en m'étant offerte, ne pourra jamais fermer ma douleur. J'aimerai toujours le temps des cerises et le souvenir que je garde au cœur. Vous êtes sur Radio Dio dans l'émission du Grémos, émission dédiée aux femmes dans les communes de province. Alors là, on vient d'écouter le Temps des cerises, donc, qui est un texte qui a été écrit par Jean-Baptiste Clément, mis en musique par Antoine Renard. Alors Michel, que peut-on dire sur cette chanson, justement ? Mais on l'a présentée comme une chanson de la Commune de Paris, ce qui est faux, puisque c'est une chanson qui a été composée bien avant, qui est une chanson d'amour, une chanson d'une romance, en 1866, donc 5 ans avant la Commune. Et en fait, elle était composée par Jean-Baptiste Clément, mais qui après a eu un rôle pendant la Commune de Paris, qui s'est battu sur les barricades, et quelques années après, on a identifié, à cause du rôle de l'auteur de la chanson, on a identifié le Temps des cerises à une chanson de la Commune, ce qui n'est pas vrai. C'est parce qu'il y a une allusion, tombe sous la feuille en gouttes de sang, et c'est de ce temps-là que je garde au cœur une plaie ouverte. C'est voilà. Deux vers. Oui, c'est ça, c'est deux vers dans la chanson qui, en fait, voilà. Alors, il était assez pauvre quand il a écrit le Temps des cerises, il était exilé en Belgique, et donc il a vendu, en fait, Antoine Renard, les paroles, et c'est lui qui a composé la musique de cette romance, voilà. Et après, ça a été donné donc comme chant de la Commune, alors que lui, qui était caché après la fin de la Semaine sanglante, a composé une autre chanson que nous écouterons d'ailleurs, qui s'appelle La Semaine sanglante et qui est beaucoup plus réaliste, si je peux dire, sur l'état de la Commune de Paris. Et c'est pas une chanson de romance. Il était condamné à mort, Clément, il s'exile à Londres et s'y revient seulement après la loi d'amnistie de 1880. Et c'est à ce moment-là que le Temps des cerises prend cette place dans nos plus calmes que la chanson sur la Semaine sanglante, une chanson de la Commune. Voilà. Bien. On va revenir maintenant sur les femmes dans les communes de Lyon-Marseille, mais surtout, je crois, dans les communes des Antilles, qui tiennent particulièrement à cœur. Oui, alors ça me tient particulièrement à cœur parce que ça faisait quelques années que je travaillais sur l'histoire des Antilles. Mmh. Et quand je suis tombé sur... avant Quentin de Lurmoz, je dois le dire, d'ailleurs il m'a dit, t'as trouvé la première, je suis tombé sur cette... ce que j'ai appelé la commune, et ce que d'autres ont appelé la commune de Martinique, qui en fait a duré très peu de temps, hein, du 21 au 24 septembre 1870, mais qui est à la fois un témoignage de la situation sociale existant aux Antilles à l'époque, et par ailleurs, dont les procès se sont déroulés, c'est un hasard, le procès devant le Conseil de guerre, parce que c'est devant le Conseil de guerre, de la Martinique, se sont déroulés au moment où il y avait la Semaine sanglante à Paris. Et donc le procureur a fait, dans les actes du procès, que l'on trouve en ligne, et qui sont absolument passionnants, justement, donc il a fait allusion à la commune. Et du coup, avec des éléments que lui-même a soulignés, des proximités avec la commune de Paris. Et c'est, en fait, c'est la lecture de ces actes de procès, moi, qui m'ont mis sur la piste. Alors, résumé très brièvement, il y avait eu, comme vous le savez, sans doute, la deuxième abolition de l'esclavage en 1848, et une situation un peu particulière, où à la fois ce qu'on a appelé les nouveaux libres, c'est-à-dire ceux qui ont été réduits, enfin qui n'étaient plus esclaves, mais qui étaient en fait attachés entre guillemets à la terre, qui devaient travailler pour leur ancien propriétaire, et donc qu'on appelait les béquets en Martinique, les grands planteurs, les béquets. Et donc il y avait encore cette hiérarchie raciale extrêmement forte. Et c'est un incident de celui qu'on appelle un libre de couleur, c'est-à-dire un esclave qui avait été libéré, enfin une famille d'esclaves libérée avant 1848, qui en fait un incident entre le dénommé Lubin et un blanc, un béquet, commissaire, aide-commissaire de la marine, mais surtout un blanc arrogant qui avait refusé de le laisser passer sur un chemin, et donc ils sont battus. Et le planteur donc a porté plainte et il a été condamné à 5 ans de bagne pour lui avoir pas laissé le passage sur un chemin. Ça donnait l'idée, si vous voulez, du climat racial, voilà. Et au moment où arrive en Martinique, donc le 21 septembre, la nouvelle de la République, qui est du 4 septembre, hein, mais ça met le temps avec le bateau. Quand ça arrive, il y a une explosion, une insurrection, qui avait été préparée par une série de pétitions, qui avait en particulier été lancée par les femmes. Et c'est pour ça aussi que ça m'a intéressé, parce que la présence des femmes est extrêmement importante. D'ailleurs, le procureur dit, alors je voudrais, dans nos campagnes, ce sont les femmes qui font peur aux hommes. Voilà, parce que elles ont été 13 femmes qui ont été présentées donc au procès, jugées pour incendie. Et donc là, on va trouver la proximité avec la commune de Paris, des femmes incendiaires, qui avaient incendié les baraques qui, sur les plantations, servent à ranger les cannes, la canne à sucre qui est sèche. Et donc ça brûle très bien. Et donc elles avaient mis le feu à un certain nombre de ces cabanes. Et il y en a une qui a dénoncé, une libre de couleur, qui a dénoncé le béquet, qui s'appelait Codé aux autres. Il a été poursuivi, il a été tué. Voilà, donc on est dans des choses extrêmement violentes, fortes. Voilà, et donc il y a plusieurs jeune femme, dont Rosalie Soleil, couturière, Lumina Sophie, c'est elle qui était le plus mise en valeur, parce que c'était la meneuse, qui était surnommée Surprise, elle était aussi couturière, et elle était condamnée pour incendie au bagne à perpétuité, elle a été déportée en Guyane, à Saint-Laurent du Maroni. Voilà. Alors, en quoi peut-on rapprocher cette commune de la commune de Paris? Eh bien, les femmes incendiaires, je vous l'ai dit, qui correspondent à nos pétroleuses, et puis, l'aspiration à un régime, en fait, qui est incarné par la République démocratique, et c'est vrai qu'il y a un idéal d'égalité sociale et d'émancipation qui a avancé dans le peu de temps qu'a duré la révolte. Et pourquoi, à quoi? Partage des terres, mais partage des grandes plantations. Ce qui fait qu'ils n'appellent pas du tout au partage des terres pour les petits planteurs, y compris les petits planteurs blancs. C'est pas une émeute raciale, enfin, c'est à la fois une émeute raciale, parce que les grands planteurs sont des blancs, mais des béquets. Mais ce n'est pas une émeute raciale au sens où ils ne s'en prennent pas aux petits planteurs blancs. Donc voilà, partage des terres, revalorisation des salaires des ouvriers agricoles. Et donc, le procureur, en fait, dit il y a une proximité des incidents avec la commune de France. Alors évidemment, que le procureur dise ça, ça incitait les juges à être beaucoup plus sévères. Effectivement, il y a eu des condamnations à mort pour les hommes, et puis les femmes ont été condamnées, dont certaines donc déportées comme surprise. Déportée et graciée, mais elle, Lumina Sophie, est morte au bagne. Elle est morte au bagne, très jeune, 31 ans, je crois. Et donc oui, la dimension sociale, c'est important, cette revendication d'une république sociale, démocratique, oui, et sociale, oui, qu'on va retrouver pendant toute la Troisième République, oui, y compris en métropole. Absolument. Dans la gauche. Absolument. Et c'est en ça, je crois, qu'on peut, même si ça a duré très peu de temps, même si c'est en dehors du calendrier, oui, de la Commune de Paris, oui, puisque c'est mars 71, je crois qu'on peut faire état de cette proximité historique. Tout à fait. Et donc, pour conclure peut-être sur les femmes proprement dites dans la Commune de Paris, on va en parler plus dans la troisième partie, sur les femmes dans les communes de province, tu aurais des choses à ajouter ? Alors oui, on cherche les femmes. Hein. Ouais, alors on n'a pas des femmes, comme en Martinique par exemple, on a des femmes qui sont mises en avant, des personnages, hein, qui ne sont pas des grandes héroïnes, enfin, mais qui sont mises en avant, qui ont d'ailleurs été après célébrées par un poète qui s'appelle Henri Corbin, qui a fait un très joli poème sur toutes ces femmes, et en donnant leur prénom, leur surnom, et voilà. Et donc, quand même, c'est passé dans l'histoire, mais c'est intéressant, le poème est de 1978, c'est-à-dire ça s'est passé dans l'histoire au moment où on se remet à parler de l'esclavage, on se remet à parler, enfin, dans une remémoration de l'histoire ancienne des Antilles. Alors, ailleurs, je disais, on cherchait aussi, et alors, on les trouve, alors, on trouve des traces, alors, pour le coup, forte, y compris dans les comptes rendus de manifestation et dans les procès, c'est à Lyon. À Lyon, quand il y a le conflit autour en décembre 1870, autour des chantiers qu'on avait ouverts pour employer les ouvriers qui n'avaient pas de travail et qu'on ferme, et il y a une insurrection contre ça à la Croix-Rousse. Et on appelle la garde nationale. Il y a un conflit, et là, les femmes sont très présentes. Elles représentent, dit le commissaire de police, pratiquement la moitié des manifestants. Alors, elles sont très peu qui ont été arrêtées après, mais voilà. Et qu'est-ce qui se passe ? C'est très important dans l'histoire politique de la chose. C'est que le commandant Arnaud, qui est un tisseur, propriétaire, mais de la garde nationale, un républicain, un sérieux républicain, veut faire marcher la garde nationale contre les émeutiers, les émeutiers. Mmh. Et à ce moment-là, il est tué. Il est tué, il y a des gens qui ont des armes, il est tué. Et là, c'est politiquement, c'est une catastrophe, parce que depuis 1831, donc la première insurrection des Canuts, il y avait une union forte. Ceux qu'on appelait les canuts, ça allait des propriétaires aux ouvriers, les qu'on appelait les compagnons et les compagnonnes. Et donc, cette union politique a duré de 1831 à 1870. En 1870, c'est la rupture complète. Mmh. Les républicains ne soutiendront plus, les républicains de la garde nationale ne soutiendront plus l'insurrection, les trois fois où il y a insurrection en 1871 à Lyon. C'est terminé, c'est fini, l'union sacrée, on peut dire, politique, et ça c'est très important sur le plan de l'histoire sociale du 19e siècle. Bien, on va écouter la semaine sanglante. Non, pas la semaine sanglante, je me trompe. Si. La semaine sanglante. On va écouter la semaine sanglante, autre texte de Jean-Baptiste Clément. Tu tu voulais nous dire que c'était quand même un texte beaucoup plus fort, beaucoup plus... Oui, qui représentait effectivement le massacre de la dernière semaine de la Commune de Paris, hein, avec la bataille quartier par quartier, barricade par barricade. Et ça, là aussi, c'est une vraie question historiographique, parce qu'il y a une barricade qui est Place Blanche, il y a plusieurs barricades menées par les femmes. Il y en a une Place Blanche sur laquelle il y a une lithographie, donc on voit les femmes avec drapeau rouge qui tiennent la barricade, et c'est nié par les historiens. C'est nié par les historiens comme dans une espèce de mise en cause de l'existence même des gens, des historiens très sérieux, tels Robert Toms, par exemple, oui, qui nie l'existence de la barricade, malgré les preuves, on peut dire, à la fois... Louise Michel en parle dans ses mémoires, il y a dans le journal officiel de la Commune de Paris qui en parle, enfin, il y a toute une série de preuves. Pardon ? Les minutes des procès. Oui, aussi. Les minutes des procès, mais il refuse en disant que ce sont des représentations. C'est ce dont on va parler tout à l'heure dans la troisième partie. Après avoir écouté La Semaine Sanglante. De Jean-Baptiste Clément. Des mouchards et des gendarmes, on ne voit plus par les chemins que des vieillards tristes en larmes, des veuves et des orphelins. Paname suinte, la misère, les heureux même sont tremblants. La mode est au conseil de guerre et les pavés sont tous sanglants. Oui, mais ça rend le temps. Les journaux de l'ex-préfecture, les flibustiers, les gens tarés, les parvenus par aventure, les complaisants, les décorés, champs de boursiers, de coins de rue, amants de filles au rebut, grouillent comme un tas de verrues sur les cadavres des vaincus. Oui, mais ça rend le temps. De sa fille, l'enfant dans les bras du vieillard. Les châtiments du drapeau rouge sont remplacés par la terreur de tous les chenapans de bouche, palais de rois et d'empereurs. Oui, mais ça rend le don, le manche des mauvais jours finiront. Fusiller nos enfants, oui, mais ça rend le car à la revanche, quand tous les pauvres s'y mettront, quand tous les pauvres s'y mettront, demain les gens de la police refleuriront sur le trottoir, fiers de leurs états de service, et le pistolet en sautoir. Sur Radio Duo dans l'émission du Grémos, émission dédiée aux femmes dans les communes de province, et nous retrouvons tout de suite nos invités, Michel Zancarini-Fournel et Jean-Michel Stenner. Bien, après avoir entendu donc, la semaine sanglante de Jean-Baptiste Clément, on va s'attacher un peu avec Michel à l'image qui est ressortie pendant très longtemps et qui reste attachée encore aux femmes dans la commune. Tu as fait tout à l'heure allusion, Michel, au livre de Jacques Roger, 1964, dans la série Archives, si je me souviens bien, oui. Le procès des communards. Et donc, dans ce livre, il y avait pas mal de photos, je crois, qui montraient les cadavres des exécutés, donc qui donnent une image de ce qu'a pu être, petite image de ce qu'a pu être la semaine sanglante. Mais on a, dans l'imaginaire collectif, cette représentation de la pétroleuse. Alors, tu emploies dans ton livre pétroleuse, mais aussi communeuse. Peut-être tu pourrais s'arrêter pour démarrer sur le vocabulaire. Oui, alors, communeuse, c'est l'équivalent de communarde. Ouais. Il y a des textes donc, où on parle de communeuse, et il y a débat chez les historiens aujourd'hui sur l'emploi. Par exemple, Robert Thoms, qui est un historien britannique qui s'est attaché à compter très précisément le nombre, d'après les sources bien sûr, des morts de la semaine sanglante et qui a revu le bilan à la baisse. Mmh. Donc lui a fait un article dans lequel il parle de communeuse. Mais il y en a d'autres qui disent qu'en fait communeuse c'est plutôt, comme communarde d'ailleurs, hein, le suffixe « ar » est toujours péjoratif. Mmh. Donc, de toute façon, ce sont deux mots péjoratifs. Alors, pétroleuse, c'est autre chose. Parce que pétroleuse, c'est la représentation qui était très rapide, à la fois représentation iconographique et représentation par les discours. L'idée que c'est les femmes qui ont mis le feu au moment de l'invasion, enfin, de l'occupation des Versaillais de Paris, et il y a effectivement un certain nombre de monuments publics qui ont pris feu, dont entre autres l'hôtel de ville, dont, dans l'hôtel de ville, l'état civil de Paris. Et donc il y a toute une série de preuves archivistiques qu'on peut avoir, que tu évoquais tout à l'heure, sur retrouver les femmes qui ont disparu. Alors on dit que c'est les femmes qui sont promenées dans Paris, partout, avec des torches et qui ont allumé... toutes ces représentations, ça s'est fait tout de suite après la fin de la semaine sanglante. C'est-à-dire, dès le début, il y a eu cette représentation de ces pétroleuses qui auraient mis le feu au monument de Paris. Et donc, Jacques Rougerie, auquel tu faisais allusion, c'est son livre de 64, c'est un livre très important, même s'il dit qu'on ne peut pas rien faire sur les femmes, mais bon. Finalement, il les a comptées quand même, mais elles ne sont pas mortes, elles ont été déportées. Mmh. Hein. Aucune n'a été exécutée, même si certaines ont été condamnées à mort. Mais il a travaillé, c'est le premier historien à avoir travaillé, alors pas le premier, c'est le second, c'est à avoir travaillé sur archives. C'est-à-dire qu'il a trouvé les archives des procès militaires, donc aux archives de la Défense nationale, les procès donc militaires, et il a dépouillé ces archives-là pour voir qui sont ceux qui étaient passés et celles qui étaient passées en procès. Hein. Donc c'est un livre très important, même s'il fait un peu l'impasse sur les femmes. Mais ce qui montre, c'est que dès le lendemain, le dernier jour de la semaine sanglante, il y a eu visite des bourgeois de Paris et d'ailleurs, venant en visite, visiter ces quartiers qui avaient été pris d'assaut par les Versaillais, les traces des barricades, les gens qu'on cherchait partout, etc. Une espèce de promenade, on peut dire. Et tout de suite, dans les journaux, dans les libelles, dans les gravures, les estampes, il y a eu ces représentations sur les femmes. C'est-à-dire que, autant l'historiographie a peu parlé des femmes, autant ces représentations sont légion. Et donc, elles sont considérées, donc les pétroleuses, sur tous leurs aspects. D'ailleurs, parfois, dans les manuels scolaires, quand on parlait de la Commune, il y avait quand même une image de la pétroleuse. L'hystérique, hein, il y a une belle, on pourrait éventuellement la mettre sur le site, parce qu'il y a une belle gravure où on dit la femme qui libère l'humanité, et en fait, elle a les cheveux au vent, elle est presque une sorcière. Elle a d'un côté la torche, de l'autre côté le bidon d'essence. Enfin, voilà, donc c'est... Et c'est donc hystérique, hein, dans la littérature, dans les estampes. Les écrivains que nous chérissons, type Dumas, etc., quand on sort leur... Il y a eu un livre qui a été fait sur les écrivains de la Commune, qui est quand même très intéressant, parce qu'ils ressortent tous ces textes, y compris Zola, qui avait eu quelques textes où il avait mis en valeur quand même les ouvrières pendant la Commune. Il a fait un texte très antiféministe sur les clubs, contre les clubs de femmes qui se sont réunis dans les églises, entre autres, etc. Donc il y a toute une série de... y compris les écrivains connus, Flaubert, etc., mais aussi les publicistes type Maxime Ducamp, par exemple, qui ont écrit des horreurs, disons, sur ces communards et ces communardes pendant la période de la Commune. Et donc, il y a eu cette dévalorisation, on peut dire. Les femmes sont des incendiaires. Les femmes sont des harpies, des incendiaires. Alors, tout y a passé. C'est-à-dire, dans les procès des femmes, il y en a eu plus de 1000. Qui sont passés en procès, donc 80% de non-lieu, hein, on n'a aucune preuve, etc. Mais elles étaient toutes considérées comme des prostituées. C'était une pratique sociale, il y avait beaucoup de concubinage. Donc il y avait 60% en gros des ménages parisiens qui vivaient en concubinage. Donc elles sont considérées comme des prostituées parce qu'elles ne sont pas mariées officiellement. Donc, de voleuses, parce que très souvent elles ont eu des petites condamnations, genre vol à l'étalage, etc. D'ailleurs, pour ça qu'elles ont été arrêtées, parce qu'elles avaient ces condamnations-là. Bon, après, évidemment, ça ne veut pas dire. Aucune n'a revendiqué le fait d'avoir pris les armes, sauf Louise Michel. Sauf Louise Michel qui a revendiqué d'avoir porté les armes, de s'être battue, etc. Voilà. Donc, une tentative de dévalorisation forte. Qui a perduré, hein, parce que le mythe de la pétroleuse, le mot est forgé à ce moment-là, et il n'existe en fait, même si le mot pétroleur est attesté dans la langue, il n'y a que le mot pétroleuse qui a survécu, si je peux dire. Et si elle leur est restée collée à la peau, quoi. Voilà. Donc, de ces femmes-là, alors Louise Michel est un cas particulier, bon, c'est une icône, on va en reparler pendant toute la quinzaine, donc je ne sais pas s'il faut développer, mais en fait, voilà. Tu dis pas d'exécution, pas de condamnation à mort. Si, il y a eu des je n'ai pas exécutions dit pas d'exécution. Il y a eu des exécutions sommaires quand même. Pas de femmes. De femmes, non. Non. Non, je croyais. Non. Enfin, il y a eu des. Attends. Dans les combats. Ah, dans les combats, ouais, oui. C'est ça. Dans les combats, mais moi je parle de. Ouais. De femmes qui sont passées en jugement. Quand on prend une barricade. Ah oui, oui, non, mais ça d'accord. Dans les combats, bien sûr. D'accord. Bien sûr. Mais c'est pas après jugement, si tu veux. C'est ça que je veux dire. C'est qu'il y a eu des femmes qui ont été jugées, condamnées à mort, mais qui n'ont pas été. Ça n'a pas été exécuté. Ça a été transformé en détention, déportation. Alors, déportation Algérie, mais plus souvent. Guyane ou Nouvelle-Calédonie, ce qui est le cas de Louise Michel et Nathalie Lemel, qui partent ensemble sur le même bateau, si je peux dire, en 1873, je crois. Et donc, qui sont alors... Là aussi, en Nouvelle-Calédonie, il y a eu plusieurs régimes. Elles sont d'abord dans un régime très, très violent, où elles sont très, très surveillées. Puis petit à petit, les pénitenciers... Enfin, elles changent de pénitencier... jusqu'à être en semi-liberté, on peut dire, à Nouméa à partir de 1879, parce que la loi d'amnistie était en préparation. Et donc, alors, c'est là, on va peut-être revenir sur cette légende de Louise Michel instruisant les Kanaks, institutrice, elle était institutrice de formation, et instruisant les Kanaks, parce qu'en fait, elle n'a jamais fait l'école aux Kanaks. Elle a recueilli les légendes et les mythes des Kanaks, dont elle a fait un livre. Elle a recueilli aussi tout ce qui était description de la flore, là-bas en Nouvelle-Calédonie. Et c'est seulement... elle a fait l'école aux enfants de déportés. Ça, elle a fait l'école, mais pas aux petits Kanaks. Elle a fait l'école aux enfants de déportés. Et simplement aux dernières années, donc sa dernière année de déportation, 1879, à Nouméa, elle a ouvert une école de filles, parce qu'il n'y avait pas d'école pour les filles. Et là, probablement, il y a eu des filles, alors on ne sait pas quelles filles, il n'y a pas eu d'études précises de quelles filles ont fréquenté cette école, mais sans doute des gens qui habitaient en Nouvelle-Calédonie, soit des gens qui étaient venus après, peut-être des Kanaks, hein, on ne sait pas. Mais voilà. Donc il faut, c'est encore un mythe à déconstruire. Ouais. Alors en dehors des mythes, on peut peut-être développer la question de la commune, du rôle des femmes dans la commune et de la naissance ou d'une des naissances du féminisme. Je crois que tu as mentionné tout à l'heure l'importance des clubs qui se développent même à la fin du Second Empire. Il y a tout un process, enfin, il y a une certaine libéralisation et les femmes jouent un grand rôle dans ces clubs et donc notamment pour exprimer des revendications féministes. Peut-être qu'on peut en dire un mot pour et qui oui. ça s'est exacerbé pendant la commune peut-être. Alors oui et non. Non. Non non oui et non. Oui, c'est-à-dire que ce que tu as dit est tout à fait juste. À partir de 1868, il y a une certaine libéralisation du régime. Il y a des grandes assemblées, mais énormes, c'est-à-dire dans des grandes salles qui étaient des salles de bal, on réunit 800, 1000 personnes qui viennent débattre. Et parmi... Alors, il y a un commissaire de police qui est présent et qui, dès que ça dérive, c'est censé dériver, arrête la discussion. Donc, on emploie beaucoup les femmes, comme d'habitude. C'est-à-dire qu'on met les femmes en avant des manifestations. Là, on emploie beaucoup les femmes parce que on pense qu'elles seront moins surveillées, puis elles sont moins connues que les membres de l'international, etc. Donc, elles font des conférences, elles font des... Paul Minck, par exemple, bon, et d'autres, André Léo, bon, toute une série d'autres, et elles font des conférences sur des sujets qui sont des sujets, effectivement, qui posent question. Et entre autres, un des sujets, c'est le travail des femmes. Donc elles font toute une série de conférences sur le travail des femmes qui sont très mal vues par le public. Donc elles sont en fait huées parce qu'elles elles disent la nécessité pour la femme de travailler, d'être indépendante. Et alors, les cris, c'est à la maison, à la soupe, enfin, etc. C'est-à-dire qu'il y a, un vrai refus. Alors, ces refus, c'est non seulement du public, alors qu'il était quand même un public semi-bourgeois qui venait, mais aussi des militants ouvriers. C'est-à-dire qu'il y avait eu, à l'Association internationale des travailleurs qui s'est réunie à Genève, une condamnation du travail des femmes qui avait été avancée, motion avancée, par les Français. Donc par les représentants français, c'est-à-dire qu'en France particulièrement, alors qu'il y avait toute une série de femmes qui travaillaient réellement dans les industries, là c'était vraiment c'était condamné. Donc il y avait c'est pour ça que je disais oui, parce qu'il y a ces revendications de type féministe qui ont été portées et qui ont été aussi combattues. Les clubs, si on entend le mot, j'avais parlé tout à l'heure du texte de Zola, c'est les clubs, c'est les assemblées de femmes qui se sont réunies pendant la Commune de Paris en occupant les églises. Et en occupant les églises et qui débattaient entre femmes. Donc là aussi, la question de débattre entre femmes, c'est-à-dire sans hommes, quoi. Donc, qui était une vraie question qui se pose encore aujourd'hui. Hein. Était déjà posée. Non, pourquoi je dis non ? Parce que d'une certaine façon, il y a eu des féministes avant la Commune de Paris. Et une des revendications féministes a été totalement absente de la Commune et des femmes, c'est le droit de vote. Alors que le droit de vote avait été revendiqué par les Saint-Simoniennes en 1830, que ça a été revendiqué en 1848, le droit de vote, on n'en parle pas. On n'en parle pas, et c'est une des raisons pour lesquelles, par exemple, Louise Michel se dit elle-même qu'elle n'est pas féministe. Elle n'est pas féministe parce que une des revendications fortes, quand elle dit ça, c'était le droit de vote. Mmh. Elle s'était portée à l'époque par Hubertine Auclair. Donc, pendant la Commune, non, il n'y a pas eu ça. Alors, la question est, elle est réelle, c'est à partir de quand on parle de féminisme ? Est-ce que c'est à partir de l'existence du mot féminisme ? C'est 1872, c'est Alexandre Dumas fils, et c'est un mot critique. Hein, c'est une maladie qu'on attribue aux hommes, considérés comme des, je mets des guillemets, femmelettes, et qui donc sont considérés comme féministes. Donc c'est un mot péjoratif qui, comme souvent, sont repris par les féministes pour elles-mêmes et retournées. Mais est-ce qu'il n'y a pas des féministes avant ? Si, puisqu'il y a des revendications qui sont des revendications d'égalité, d'égalité juridique, des revendications du droit de vote, des revendications même chez les Saint-Simoniennes à l'amour libre, enfin, toute une série de revendications qui sont de type féministe. Et on peut même remonter à la Révolution française. Donc, voilà. Donc, il y a eu des féministes avant. Le mot féminisme n'est pas un mot qui est employé qu'on trouve sous la plume, on va dire, de celles qui ont écrit, mais on trouve en revanche les femmes. André Léo a dit que toute démocratie, la démocratie se fait avec les femmes, elle ne se fera pas sans les femmes. Donc oui, c'est une idée féministe, on peut dire. Voilà. On va terminer, puisqu'on a parlé de Louise Michel, par le texte, son célèbre texte, Le Chant des Captifs, souvenir de sa déportation, où elle développe dans les deux premières strophes ce que tu disais, Michel, c'est-à-dire cette sensibilité à la nature, à l'océan, aux insectes, aux plantes, et où elle dit, donc dans le troisième strophe, je me permets de la citer, « Viens au sauveur, léger navire, hissez le captif à ton bord, ici dans les fers il expire, et terminant la strophe, et si nous revoyons la France ?» sera pour combattre encore. Je crois qu'effectivement, on voit là tout le tempérament de Louise Michel et de beaucoup de ces déportés qui ont gardé leur foi tout à fait intacte, malgré ce qu'elles ont enduré pendant cette déportation. Oui, tout à fait d'accord. pas de prise. Ici les bois sont toujours verts, de l'océan la fraîche brise souffle sur les morts déserts. Ici profond est le silence que l'insecte qui se balance. Seul le calme désert. Là-bas, sur de lointaines plages, s'élève parfois un doux chant. Ce sont de pauvres coquillages qui le murmurent en soubrant. La forêt, l'eau qui rose, les fleurs nouvellement écloses, les fleurs nouvellement écloses, frissonnent d'amour sous le vent. Viens en sauveur, léger navire, hissez le captif à ton bord. Ici dans les fers, il expire le bagne, c'est pire que la mort. Dans nos cœurs, survit l'espérance. Ici nous revoyons la France. Si nous revoyons la France, ce sera pour combattre encore. Vous êtes sur Radio Duo dans l'émission du Grémos et pour conclure cette émission avec Michel Zancarini-Fournel et Jean-Michel Stenner, je vous donne quelques infos et dates sur les prochains événements en lien avec le Grémos. Donc jusqu'au 22 septembre aura lieu la quinzaine Louise Michel qui est organisée par l'ensemble Nomade dans laquelle s'inscrit cette émission. Au programme des expos, des conférences, des émissions de radio, des spectacles. Voilà, tout le programme est à consulter sur le site de Radio Duo, sur les réseaux sociaux également. Et je signale, Michel, que dans le cadre de cette quinzaine, tu présenteras demain, jeudi 12 septembre, une conférence à la Cinémathèque de Saint-Étienne sur le thème des luttes et des rêves de Louise Michel et des femmes de la Commune. Alors cette conférence sera précédée de la diffusion du film « Deux vies pour l'Algérie et tous les damnés de la Terre » de Sandrine Malika Charlemagne et Jean Hasselmeyer. La soirée se terminera en chanson avec la chorale révolutionnaire La Barricade. La soirée commencera à 19h. Dernière info, dimanche 15 septembre à 18h30 sera projeté au cinéma Le Méliès, le dernier film de Midiop, Dahomey. La projection sera suivie d'une table ronde consacrée à la restitution des biens culturels en Afrique. Voilà, c'est la fin de cette émission. Amis auditrices et auditeurs, je vous donne rendez-vous pour la prochaine émission du Grémos qui aura lieu mercredi 9 octobre 2024 à 17h. Nous recevrons l'historienne Michèle Destour pour une émission consacrée aux 80 ans du CDL, le Conseil départemental de la Libération. Je vous souhaite à toutes et tous une très belle soirée sur les ondes de Dieu. Bye bye.